La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute du magazine Libertaire, comme tous les jeudis de 20h40 à 22h. Vous pouvez nous joindre en direct pendant l'émission au 02 40 93 26 62. Sinon, vous pouvez nous écrire aussi sur la boîte aux lettres maglib@boom.org et vous pouvez vous balader sur notre site, c'est www.maglib.boom.org. Donc voilà, donc Alternante est une radio associative qui a besoin du soutien de ses auditrices et ses auditeurs. Voilà, bah, tout est dit. Non, alors ce soir, on va commencer par la deuxième partie des entretiens qu'avait fait Philippe sur son parcours, sa vie, son parcours de militant. Ensuite, une brève sur la chapelle dans le 18e à Paris. Voilà, un son sur Linky, le billet foutrac de Martin. Et un son aussi sur une ferme urbaine. Et on finira par les annonces. Donc là, on va lancer le deuxième morceau de l'entretien qu'a fait Philippe. Et donc, il y aura un troisième morceau qu'on diffusera la semaine prochaine. Ouais. Donc voilà, c'est parti. Donc l'épisode de 81.

Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'après les entretiens qu'on a entendus déjà la semaine dernière et cette semaine-là, on apprend, enfin, les personnes qui connaissent un petit peu Philippe, ou même celles qui ne connaissent pas, apprennent à connaître Philippe, en fait, les enregistrements qu'il a fait. Il y a une troisième partie qui va venir la semaine prochaine et qui a trait plutôt justement à la radio, en fait, à pourquoi il participe, pourquoi il a participé à cette émission de radio et pourquoi il y tient et qui est aussi l'objectif, en fait. Qu'est-ce qui fait sens de faire de la radio aujourd'hui ? Voilà, aussi. Et aussi les effets de transmission. Enfin, je ne vais pas dévoiler tout ce qui va venir, mais voilà, tout ce qui... pourquoi il est attaché, en fait, à ce média, on va dire. Mmh. Je ne sais pas si on peut appeler ça un média, mais oui, un média, diffusion radiophonique. Bon, en tout cas, merci Nasser pour ce souvenir. Même si ce n'est pas facile d'en dire, en fait, c'est quand même chouette à entendre. Oui, en plus, moi, personnellement, j'ai commencé la radio avec lui et... mes premières émissions de radio c'était avec lui, c'était justement alternante dans les anciens studios rue de Nancy. C'est avec lui que j'ai commencé, j'ai fait pas mal d'années avec lui, je me suis arrêté un moment mais j'ai repris après avec lui. C'est une personne à qui je dois beaucoup, c'est une personne avec qui j'ai une personne à l'égard de laquelle j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de reconnaissance toute personne qui a rencontré Philippe peut avoir des sentiments négatifs, peut avoir des sentiments positifs, ça, peu importe, mais il laisse pas indifférent. C'est quelqu'un qui a marqué les gens de façon assez forte, quoi. C'est quand même un personnage central, quoi, qu'a forgé le parcours de pas mal de militants et de militantes sur Nantes, quoi. Les gens qui l'ont côtoyé sont unanimes pour dire que voilà, c'est pas une personne qui laisse indifférente, quoi. Peut-être une petite pause musicale. Sans expression populaire, encore un nouvel enfant qui fera chaque nuit dans les chaumières. Il est dans ma cuisine, je suis en train de me faire manger. Devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Vive la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Vive la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé. C'est formel, ça y est, c'est confirmé. Parfois ministériel, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés. Carte blanche pour les grands pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels. Un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. La France.

un papier qu'elles ont distribué, collé un petit peu partout dans le quartier. Et je vais lire le texte qu'elles ont distribué. Nous, femmes du 18e, La Chapelle, Pajol, Barbès, nous habitons dans un quartier populaire que nous aimons. Nous ne nions pas qu'il y ait du sexisme, mais pas plus que dans tout autre quartier. Partout dans le monde, les hommes profitent des femmes. Nous habitons dans un quartier où la solidarité est forte. C'est pourquoi les migrants s'y réfugient, faute de pouvoir habiter quelque part, dans un logement. Nous habitons dans des quartiers où ce que vous appelez trafic, nous, on l'appelle survie. Depuis plusieurs années, petit à petit, la bourgeoisie s'installe dans notre quartier et veut le transformer à son image en repoussant la misère hors de sa vue. C'est pour ça que les flics occupent l'espace public en permanence pour chasser les pauvres et la misère, la repousser toujours plus loin d'un Paris qui se veut aseptisé. Nous sommes contre l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes et anti-pauvres sur fond de campagne électorale. C'est trop facile de se rappeler des femmes quand il s'agit de virer les pauvres et les étrangers. Et une fois de plus, c'est les utiliser, c'est nous utiliser. Nous ne vous laisserons pas faire. Et tout à l'heure, donc Nasser me rappelait les événements de Cologne, où moi je pensais qu'il y avait eu des agressions, et en fait, toutes les histoires sont complètement bidons. A été montée de toutes pièces, oui. Oui, voilà, donc bon. C'est montré aux personnes blanches que le sexisme, c'est les personnes basanées, c'est le garçon arabe, c'est la personne africaine. Et non, DSK n'a jamais existé. C'est comme les chambres à gaz, ça n'a jamais existé. Hein, c'est vraiment les personnes basanées, les personnes africaines qui sont cause de tous les maux. On retrouve le sempiternel bouc émissaire de tout ce qui va pas en France. Le sexisme, c'est un problème. Oui, le sexisme est un problème, mais il vaut mieux que ce soit les personnes migrantes qui soient responsables de tout ça que les personnes blanches, parce que nous, les personnes blanches, nous sommes le phare, la civilisation, et blablabla, blablabla, ça, on nous déverse ça à longueur de torchons, de torchons, oui, de façon quotidienne, et c'est vraiment, c'est puant. Moi, j'ai lu un article dans le Figaro, oui, je lis de temps en temps le Figaro, parce que j'ai des tonnes de trucs qui me tombent là comme ça sous les yeux. J'ai vu une sociologue qui, mais vraiment un truc puant, raciste, et vraiment, je vois pas en quoi ça peut. Je me demande si elle travaille pas pour Daesh, cette personne, parce que elle veut vraiment que les gens commettent des attentats, parce que je vois pas d'autre intérêt que ça. C'est vraiment stigmatisé pour, tu vois, dresser les populations les unes contre les autres, et c'est vraiment puant. Il y a pas d'autre terme, parce que le racisme, il est le sexisme, il est, enfin, je voulais dire le sexisme, il est bien présent dans la société française, et à tous les niveaux, hein. On a eu l'épisode DSK il y a quelque temps, où les personnes vraiment nanties, tout ça, les colos, le Bopin, Georges Tron, ou même tu vois, les personnes, Michel Sapin, des militants de Les Républicains. C'est vraiment transversal, quoi. Partout, c'est marrant, parce que tu cites des hommes politiques, et ça me fait penser le mécanisme de dire que le sexisme, il vient des personnes. Il vient des Arabes, il vient des Africains, il vient, enfin, c'est comme ça que c'est dit. C'est le même mécanisme qui consiste à dire que la violence conjugale, elle vient que des classes populaires, en fait. C'est pour ça que ça me faisait rire que tu cites que des hommes politiques, des classes, des élites, en fait. Parce qu'elles sont censées être des modèles. Oui, tout à fait. Au regard des populations. Après, et qu'on pourrait aussi trouver des exemples de violence dans ces classes-là. Et enfin moi, ça me faisait penser à ça, quoi. Comme quand on dit que le sexisme, en fait, il vient pas des blancs, c'est comme quand on dit que les violences conjugales, elles viennent pas, en fait, des bourgeois, alors que ce sont des violences, aussi bien le sexisme que les violences physiques faites aux femmes, ce sont des violences qui touchent, en fait, toutes les couches des sociétés, quoi. Puis ces politiques sont là pour la gestion de la cité, donc c'est pour ça que j'en parle. Autrement, je ne me fais aucune illusion j'ai entendu, comme tout le monde, les déclarations des uns et des autres sur le féminisme. Là-dessus, il y a pas de doute. C'est le milieu politique français. Il est non seulement raciste, il est sexiste, il est homophobe. Et ça, des exemples, on en a pléthore. Il n'y a pas besoin de. Enfin, ça serait vraiment naïf de dire ah non, les classes dirigeantes sont en dehors de tout ça. C'est une triste réalité. Et après, c'est l'instrumentalisation, c'est l'exploitation de tout ça qui fait débat, quoi. Ok. Moi, je propose qu'en guise de pause musicale, on vous passe un petit son, qui est un petit son qui vient de la Méga Combi. La Méga Combi, c'est une émission qu'on peut écouter sur Radio Canu à Lyon, sur le 102.2, ou sur Radio Canu, toutattaché.org. C'est le mercredi de 18 à 19. On passe un premier extrait et on en passera un autre tout à l'heure. Le premier qu'on va passer, c'est. Sur le compteur Linky. Et si on le passe, c'est parce que toute l'émission de la semaine dernière, en fait, elle est consacrée aux métropoles et avec des bouts sur la ville intelligente. Et comme on aime bien parler de ville intelligente ici, on en parle. Donc là, vous allez écouter le petit extrait sur le compteur Linky. Oui, c'est le technicien Linky. Bonjour. Avez-vous le compteur ? Il est dans la cuisine. Il est là le compteur. Il est dans ma cuisine, je suis en train de me faire à manger, je suis désolé. Oh là là, tu me dis, il faut prendre des gilets, je peux pas travailler comme ça. Ben écoutez. C'est pas très évident. Ouais, moi j'avais dit ça au téléphone, c'était pas évident. Je voulais pas moi, Linky là. Ils m'ont harcelé avec ce merde là. Après, les prélèvements, ça se fait automatiquement, ils ont plus d'autres. Ouais, c'est de la merde, c'est un flicage. T'es fliqué, ouais. Voilà. Ouais, ça, ils m'ont appelé. Tu veux refuser une fois. Tu veux refuser. Ah ouais, je refuse, t'as le droit de refuser. J'ai le droit de refuser. Ah ouais, y a pas de souci. Je vais le noter, comme ça, ils te feront plus chier la prochaine fois. Ah non, t'as le droit de refuser, moi je te le dis, y a pas de souci. Obligé de vous baraquer, hein. Ouais. C'est normal, faut les poser, les compteurs, donc. Voilà, mais t'as droit de refuser. Et vous travaillez pour eux, c'est ça? Ou alors, j'appelle la planif, ils vont t'appeler, et je vais dire que le client n'était pas là, il était absent. Voilà, et tu réponds pas au téléphone. À chaque fois qu'ils vont t'appeler, quand tu vas sur leur numéro, tu réponds pas. Ok. D'accord? Ok. Et à chaque fois, il y a un technicien qui va se déplacer, si je sonne à ta porte, t'es pas là, le client est absent. Donc nous, on appelle la planification. Ouais. Pour dire que le client, il est absent, et voilà, tu réponds pas au téléphone. Comme tu veux, alors. Ah, moi je le refusais, moi, de toute façon. Ah, tu refuses, d'accord. Moi je vais marquer. Attends. Puis toi, ça t'arrange en plus. En plus, il était chiant, là. Ouais. Il y a même pas. De toute façon, j'aurais pris la photo, j'aurais envoyé. J'aurais dit, c'est impossible, il a un placard devant et tout, c'est impossible. Je peux pas passer, je peux pas travailler sur un côté. Il y en a beaucoup qui refusent. Donc, ouais, il y en a plein, ouais. Mais vous installez ça toute la journée, là, en soi. Toute la journée, ouais. Vous travaillez pour une autre boîte, ouais. En fait. Ouais, pour une autre boîte. Là, on est sur. Ben là, on a presque fini. Là, ce qui reste, c'est les déchets. C'est tous les gens que, tu sais, qu'on n'a pas pu contacter. Autrement, normalement, là, on attaque Tassa et le 8e. D'accord. Là, c'est la fin. La rue Victor Hugo et place des Terreaux, ça y est, on va dire encore un mot. Tu sais, un compteur par-ci, un compteur par-là. Vous l'avez chez vous, ce compteur? Ouais, moi, je l'ai, ouais. Mais en gaine, moi, il est en gaine. C'est quoi en gaine? En gaine, c'est dans les gaines. Ah ouais? Ouais, c'est dans les gaines, ouais. Ah ben là-bas, là, il te le pose direct, hein. T'as pas besoin d'être là. Ouais, ouais, parce que c'est à l'extérieur. Ouais, qu'à la maison, voilà. Tu frappes, si tant que tu laisses pas rentrer tes clés, pas plus si ton compteur. Bon, ok, bon, on fait comme ça, je vais te noter. je marque profil client, et okay. puis c'est tout. Et quand ils arrivent, machin, même si ils appellent, même si tu veux prendre rendez-vous, à chaque fois qu'un technicien vient, tu lui réponds pas et c'est tout. T'as compris ? Ça marche. Dès qu'il répond pas au technicien, il appelle la plateforme du Maroc. Hein. Donc la plateforme du Maroc, elle va essayer de te contacter pour voir si vraiment le technicien il est venu. Tu réponds pas. Ou même si tu réponds, tu reprends rendez-vous, ils vont dire oh, bah, dans 15 jours il passera. Quand un technicien qui vient, qui t'appelle au téléphone, tu réponds pas et puis c'est tout. Compris ? Capito. Ça marche. Allez, bon appétit. Ouais, merci. Ouais, ciao. Ciao, ciao. Bon, on va passer au billet food truck de Martin. Ouais. Bon, ben, j'espère que vous avez mangé léger au dîner, car ce soir, c'est triple ration d'indigestion. Ne me remerciez pas, c'est gratuit, cadeau de la maison. Car au menu, donc, ce sera rôti de Reagan, accompagné de sa sauce thatchérienne, le tout délicatement relevé d'un subtil saupoudrage trumpiste. Je suis sûr que cela vous en fait baver d'avance. Mais bon, du haut de ma magnificence... et aussi un peu parce que j'ai pas eu le temps de finaliser toutes mes recherches, nous nous contenterons pour l'occasion d'un simple morceau de la pièce principale. Le reste suivra dans les prochaines émissions. Qu'à cela ne tienne, n'attendons pas plus et jetons-nous à corps perdu dans cette Amérique des années 60 qui voit se faire élire un gouverneur de l'État de Californie, un commentateur sportif reconverti acteur de série B, reconverti syndicaliste, il fut président durant presque une décennie du Screen Actor Guild, un syndicat d'acteurs et de figurants, reconverti balance pour le compte du FBI d'artiste communiste durant la grande peur rouge McCarthyiste, puis reconverti présentateur télé, reconverti ambassadeur publicitaire de la firme General Electric, et qui finalement décide d'embrasser logiquement et sur le tard une carrière de politicien à partir de 1965 à l'aube de ses 50 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas l'ambiance de l'époque qui influença les idéaux de Reagan, fraîchement élu. En effet, alors que l'Amérique et sa jeunesse s'abandonnaient au mouvement hippie et à la Beat Generation, s'adonnant plus généralement à la contestation, Reagan, de son côté, faisait lui aussi sa révolution, en délaissant définitivement le Parti démocrate pour devenir un chantre des républicains. Mais c'est toujours le même problème avec les nouveaux convaincus. Il faut toujours qu'ils en fassent trop pour prouver aux autres, autant qu'à eux-mêmes, combien ils sont légitimes dans leur nouvelle faction. C'est ainsi qu'à peine élu, Reagan se métamorphose en raclure aux mains sales. Côté pile, la raclure, qui s'oppose au vote concernant les droits civiques, déclarant sans sourciller, je cite, que si une personne veut discriminer les nègres ou les autres, lorsqu'il vend ou loue sa maison, c'est son droit. Okay. Côté face, les mains sales, lorsqu'il se prononce en faveur d'un grand nettoyage dans le cadre des protestations de la jeunesse de l'époque. Il mit ce programme à exécution en 1969 en envoyant la police pour écraser les manifestations étudiantes dans ce qui restera dans l'histoire comme le Bloody Thursday, le jeudi sanglant, provoquant la mort d'un étudiant et l'hospitalisation de plusieurs dizaines d'autres. Sans remords, loin de là, Reagan se justifie un an plus tard en assénant que « s'il faut un bain de sang, allons-y, plus d'apaisement ». Voilà. Il restera gouverneur de Californie pendant 8 années, de 1967 à 1975. Durant ce laps de temps, il signa la loi en faveur de l'avortement, mais par erreur, comme il l'avouera peu après, expliquant sa faute par l'inexpérience politique d'alors. Il échoua à faire appliquer la peine de mort dans son état, étant constamment contrecarré par la Cour suprême de Californie, mais profita quand même de cet intermède sur la West Coast pour y affiner quelques-unes des visions politiques qui continueront de le hanter pour la suite de sa carrière. Opposition à l'État-providence avec des slogans tels que « remettre au travail les mendiants du système de protection sociale ». Ouais, c'est charmant. Libéralisation de l'économie avec notamment une baisse des taxes en tout genre. Anticommunisme avec une passion jamais démentie pour feu le non regretté sénateur Joseph McCarthy. Voilà, j'arrête là la liste ici. Vous rassurez-vous, la suite viendra bien assez tôt. Quoi qu'il en soit, notre Reagan, un peu frustré par son rôle de gouverneur d'apparat et d'opérette, décide de ne pas se représenter en 1975, avec dans un coin de la tête l'idée de briguer le mandat présidentiel commençant l'année suivante. Mais pour celui qui jusque-là a à peu près tout raté, la médiocrité semble être devenue une seconde nature lorsqu'il échoue face à Gerald Ford lors de la primaire républicaine de 1976. Ford qui échouera à son tour quelques semaines plus tard face à Jimmy Carter, qui est élu 39e président des États-Unis. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il fait bon être médiocre lorsqu'on vit dans un monde médiocre. Il faut donc juste savoir être patient. 4 années plus tard, Ronald Reagan se retrouve favori au milieu de candidats républicains aussi peu charismatiques les uns que les autres. En parfaite symbiose, l'époque et Reagan sont mûrs pour vivre cette aventure qu'est le conservatisme politique et qui restera un tournant aux conséquences encore ressenties aujourd'hui. Profitant d'une conjoncture qui lui est extrêmement favorable, crise économique aux USA, chômage élevé, second choc pétrolier de 1979, faiblesse du concurrent démocrate, Reagan se camoufle derrière une campagne populoptimiste et un slogan simpliste « America is back ». Mais qui fera mouche, et plutôt deux fois qu'une. Il est élu après une victoire écrasante contre un Jimmy Carter qui n'aurait eu de toute façon aucune chance face à n'importe quel adversaire républicain. La campagne de Reagan, teintée de conservatisme et de nationalisme, séduit une majorité d'électeurs disparates, mélange de fondamentalistes sudistes, d'individualistes libéraux, de conservateurs quels qu'ils soient et de classes laborieuses issues des grands états industriels, espérant la fin d'un chômage de masse que les démocrates n'ont jamais su endiguer. Ces derniers seront assez vite déçus lorsque, dès le début de sa présidence, Reagan décide de licencier 12 000 contrôleurs aériens au motif que ces derniers ne veulent pas stopper leur grève. Voilà. Par ailleurs, et comme promis, il baisse les impôts pour les plus riches tout en augmentant ceux des plus pauvres. Mais comme cela ne suffira pas à financer les programmes gouvernementaux, Reagan sera finalement contraint d'accepter le vote du Congrès en faveur d'une hausse générale de l'ensemble des impôts. Car de fait, sous sa présidence, l'État dépense sans compter, surtout, à vrai dire, dans le secteur de l'armement, une habitude qui ne cessera dès lors plus sous ses différents successeurs. À l'époque, au tout début des années 80, c'est l'obsession anticommuniste de Reagan qui légitime ses dépenses, car il faut à tout prix dominer l'ennemi soviétique. Ce tout prix se matérialisera par les déficits fédéraux, jusque-là inégalés, et donc par une explosion de la dette publique américaine dans les années 80, passant de moins de 1 000 milliards à près de 3 000 milliards de dollars, majoritairement empruntés à l'extérieur. Finalement, tout se combinera à merveille pour le président, qui verra l'URSS s'anéantir elle-même sous l'égide de Gorbatchev, tandis que les investissements militaires effectués en amont par les USA contribueront d'une part à faire prospérer l'hégémonie américaine à l'échelle mondiale, et d'autre part à contenter les puissants lobbies de l'armement. Et parmi eux, l'on trouve notamment le groupe Carlyle, qui mériterait à lui seul un beau billet foutrac en bonne et due forme. Carlyle, c'est une société de gestion d'actifs américaine et d'investissement fondée en 1987, soit pendant la seconde mandature Reagan, et que l'on peut apparenter à une multinationale tentaculaire au regard de la diversité de ses activités. Défense, aéronautique, énergie, télécommunications, médias, finances, etc. Elle disposerait au bas mot de 180 milliards de dollars d'actifs pour 100 milliards de dollars en fonds propres, selon l'expression abusivement consacrée. Parce qu'à y regarder de plus près, il n'y a pas grand-chose de très propre dans cette histoire. À commencer par ses dirigeants, au sein desquels on a pu trouver Frank Carlucci, ancien secrétaire à la défense de Reagan, James Baker, ancien secrétaire d'État de Bush, Richard Darman, ancien assistant de Reagan, ou encore, tout simplement, George Bush père, ancien président des États-Unis, lorsque le fiston squattait lui-même le poste de président. C'était pratique. Pendant qu'on s'arrangeait en sous-main pour envenimer les tensions géopolitiques à l'autre bout du monde, George W. déclarait la guerre, passait commande de tout un tas d'armes et de services relatifs à l'intelligence et au renseignement à papa, et l'argent tombait du ciel, comme par magie, ou presque. Du flagrant des conflits d'intérêts et de l'argent gagné à coups de millions de morts. Mais comme vous le savez, business is business. Revenons enfin à Reagan, si vous le voulez bien. Celui-ci sera aussi l'instigateur d'autres pratiques tout aussi catastrophiques et qui perdureront par la suite, et possédant de nombreuses accointances avec ce qui vient d'être dit précédemment, à savoir un dirigeant médiocre, une vision politique simpliste, et à côté, des groupes de personnes sachant profiter des failles autant que pousser à leur création. Aux États-Unis, tout tourne toujours peu ou prou autour des lobbies. Une autre facette, donc, de la politique reaganienne consiste en une déréglementation du secteur de la finance. Pourtant, Reagan, de par son passé de démocrate, tenait en Roosevelt son héros secret. Ce même bon vieux Roosevelt, qui après le krach de 1929, dû aux abus et à la corruption omniprésente, avait instauré une série de mesures censées protéger le si fragile système financier des affres de ses serviteurs. Cela dura effectivement 50 ans, de 1930 à 1980, jusqu'à ce que Reagan réouvre la boîte de Pandore au motif primaire de la liberté individuelle devant primer sur l'État-providence. Bien plus, en réalité, sous la pression des firmes financières dont les marges bénéficiaires étaient limitées par cette foutue régulation du marché. Alors que non, le marché doit être libre, bordel! Sinon, comment dominer sereinement son prochain efficacement pour gagner honnêtement sa croûte? Alors, c'est ce que Reagan fit. Et il vit que c'était beau. Mais pas longtemps.

On contrôle le climat, la vitesse de ventilation, la lumière. On contrôle absolument tout. Ici, vous avez des chariots portant des pots de culture. Vous pouvez voir que ces chariots vont au bus d'arrosage, qui apporte donc l'eau et les nutriments. Donc tout est, c'est une, toute une chaîne en face de nous qui est robotisée, en fait. Hein. Oui, tout est robotisé pour éviter au maximum l'intervention d'humains et donc pour éviter les maladies et les ravageurs. Méga combi à la ferme. Je m'appelle Paul Agnus, je suis donc ingénieur agronome à la ferme urbaine lyonnaise. Indoor. C'est FUL, ferme urbaine lyonnaise, ou Fresh Food for Urban Living. Donc c'est une start-up lyonnaise qui a débuté en 2015 pour initialement nourrir les villes avec des produits sains et pour faire du produit médicaux, donc du biosourcé pur. Ici, nous sommes sur le campus de l'Adoua, près de l'INSA. Les plantes sont cultivées en milieu confiné. On n'utilise aucun pesticide sur les plantes, parce que même dans la culture biologique, on utilise des produits pour lutter contre les insectes et les maladies. Nous, nous rejetons l'utilisation de tout produit. On veut juste le végétal. Nous vendons clé en main des usines à produire du végétal et on garantit un taux de production bien supérieur à ce que vous pouvez obtenir avec n'importe quel autre type de serre. La culture hors sol ou hydroponie, nous pouvons nous installer n'importe où, par l'eau, prospecter plus rapidement, cultiver le big data de nouvelles villes, de nouveaux marchés, un produit sain. Toutes les données de culture, ce qui est cybernétique, le spectre lumineux, tout est analysé. La quantité d'eau et à transpirer un produit sain. La ventilation, le big data, la ville de demain et au bien-être des gens. Bon, là, je dois dire que je suis parti en live. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bon, ben voilà, c'est la ville de demain. Bien-être de demain. Pour le bien-être de tout le monde. Nous rejetons tout produit. Donc, nous allons passer aux annonces. Alors, la première annonce, ça se passe samedi 27 mai à midi. C'est le réseau logement qui invite un samedi sur deux à se retrouver à midi. Si tu as besoin d'aide par rapport au logement ou si tu peux filer un coup de main, n'hésite pas à venir. Chacun et chacune peuvent ramener quelque chose à boire ou à manger. C'est au 24 rue Fourré à Nantes, dans les locaux du Gazprom. Sinon, lundi 29 mai, c'est le Louise Michel's Day, c'est au bord de l'Erdre à Saint-Miel. Et le 29 mai, c'est l'anniversaire de Louise Michel. Alors rendez-vous pour une buvette sauvage à 19h à Saint-Miel pour fêter ça dans la rue avec ta tambouille, ton pinard, ton carnet de chant, tes camarades, tes bretelles, ta guêpette et ta robe noire. Et tu te souviens, c'est aussi l'icône usurpée du Parti Socialiste. On avait occupé une fois la permanence du PS et... Il y avait la photo de Louise Michel à l'intérieur. Ouais. Et ça, c'était vraiment agaçant et rageant de voir à quel point il récupère tout, quoi. Rendez-vous ludique sur la ZAD, rien à voir avec ce qui vient d'être dit, parce que la lutte est importante, mais la fête aussi. Des habitants et habitantes de la ZAD et des soutiens extérieurs, grands fans de jeux, vous proposent de nous retrouver le week-end prochain sur la ZAD pour 3 moments de jeu, le 26 mai et pas juillet, comme annoncé par erreur. Soirée jeu aux Fosses Noires à partir de 18h, jeux de société, de cartes, venez passer une soirée ludique avec nous. Et le 27 mai, dans l'après-midi à la Wardine, animation et jeux pour tous les âges. Il y aura des jeux en bois, des pour les plus petits et petites, peut-être aussi des jeux où on court ensemble, etc. Salutations à Narcoludique. Alors samedi 27 mai à 15h sur la ZAD au Limimbou, il y a une balade à la découverte des plantes sauvages. Une balade pour découvrir quelques plantes sauvages de la ZAD, toutes s'épanouir cette fin de printemps grâce aux premières pluies, aux dernières pluies, au pied des maisons, sur les talus et autour des chemins. Donc c'est à 15h au Limimbou. Juste pour ajouter, le 27 mai à la Wardine, ça se passe à partir de 18h. Voilà. On a fini pour ce soir. Et dans les temps. On se retrouve la semaine prochaine. Et ben on vous dit ciao. Salut. Avec la suite sur l'émission de Philippe. Oui, la troisième. Ouais. L'autre partie. La troisième partie. La troisième partie, voilà. La troisième et dernière partie. Ciao.